Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échecs, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander? Possible. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Oh, c'est super cool! J'ai envie de faire une partie! Bonjour à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous accueillons Eugénie. Bonjour Eugénie. Bonjour. Avec Clem. Bonjour Clem. Bonjour. Et on va vous parler d'improvisation et de jeu. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Eugénie. Aujourd'hui, j'ai un blog de jeux de rôle qui s'appelle Je ne suis pas MJ, mais j'ai pratiqué de l'improvisation théâtrale type match pendant, 6 ans et puis ensuite 3-4 ans de façon beaucoup plus sporadique et sous d'autres formes. Mais c'était vraiment une pratique amateur. Hein. Ça, je tiens à préciser en avance, je ne suis pas comédienne professionnelle du tout. C'était une pratique passionnée, mais amateur. Et j'ai commencé le jeu de rôle il y a environ 7 ans, que je pratique aussi de façon assez intensive et passionnée et de façon amateur. Et j'ai publié dans Casus Belli pendant 2 ans une rubrique qui s'appelait le gymnase des PJ, où l'idée c'était d'importer des techniques, de penser le jeu de rôle comme une pratique un peu sportive, comme peut l'être l'improvisation théâtrale. Et aujourd'hui, je propose des ateliers rôlistes en club et convention, aussi inspirés de ce qu'on peut faire en improvisation théâtrale. Du coup, tu nous parles de ta pratique du théâtre d'improvisation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Comment ça fonctionne? Oui, alors, en fait, déjà, ça peut prendre plein de formes. La forme, on va dire, dominante, je pense, aujourd'hui, c'est le match. Donc le match, on a deux équipes de 6 joueurs et joueuses qui se rencontrent dans un espace de... J'ai plus les dimensions en tête, mais ça doit être 3 mètres sur 3 ou 4 mètres sur 4, qu'on appelle une patinoire. En gros, c'est utiliser tout le décorum du match de hockey, mais pour faire du théâtre. Donc on se rencontre sur des formes très très courtes. C'est... En moyenne, 4 minutes, ça peut aller. Les plus courtes sont 45 secondes et les plus longues doivent être de peut-être 20 minutes, grand maximum. Et on se rencontre sur un thème, on n'a rien préparé à l'avance. On ne sait pas qui va jouer en face de nous. Il y a deux personnes qui commencent et roulent. Il y a un arbitre qui est chargé de siffler des fautes qui sont... Donc on en reparlera peut-être après, des moyens de signaler qu'il y a des choses qui patinent ou qui vont pas trop, qui sont aussi un moyen de faire le show. Donc il faut savoir faire la différence aussi. Il y a un maître de cérémonie qui est là pour faire le lien, etc. Deux assistants arbitres qui assistent l'arbitre. Le public vote à la fin de chaque improvisation pour ce qu'il a préféré. Et ça se passe soit en demi-temps de 45 minutes, soit en trois tiers-temps de 30 minutes. Il y a un règlement, je ne vais pas peut-être vous refaire tout l'historique, mais voilà, il y a un règlement de base, et après, chaque ligue brode un peu quand on joue. Comme il y a des pratiques professionnelles, mais il y a aussi beaucoup de pratiques amateurs. On voit un peu beaucoup de variantes aussi. Et ça, c'est un peu la partie principal qui éclipse un peu tout le reste, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui se font en théâtre de rue, par exemple, qui sont de l'improvisation. Il y a la Commedia dell'arte, qui est de l'improvisation, et qui a donné aussi ce qu'on appelle des canevas. C'est-à-dire qu'on a un personnage, on a en gros, on sait à peu près ce qui va se passer dans la scène, et on joue, mais il n'y a pas de partition, il n'y a pas de... On lance. Il y a des formes de cabaret. Je sais qu'à Paris, il y a une forme qui a été lancée, je sais pas, mais en tout cas jouée par quelque chose qui s'appelle le cercle des menteurs. Et moi, qui est une forme que j'aime beaucoup, où en gros, il y a une seule équipe de 6 joueurs et joueuses. Il y a une personne dans le public qui donne un mot. On lui fait 6 débuts d'improvisation différents de 15 secondes. Et la personne choisit quelle histoire elle veut voir. Et dans ce cas-là, c'est celle-là qu'on va jouer. Et donc voilà, du coup, c'est beaucoup plus coopératif, il n'y a pas l'apparence de la compétition. Et il y a beaucoup moins de contraintes de temps, d'espace, d'accessoires, ce genre de choses. Il y a des formes longues où on peut faire un spectacle où c'est une seule improvisation d'une heure. Et avec une forme qui s'appelle notamment le Deus Ex Machina, où il y a une espèce de MJ, en fait, une personne extérieure à l'improvisation qui dit « Ok, maintenant je voudrais voir telle scène, maintenant vous allez me la refaire à l'envers, etc. » et qui donne des indications comme ça pour relancer. Et voilà, peut-être que... Pour toi, il y a déjà une dimension ludique dans cette pratique-là ? Oui, clairement. Enfin, il y a un maître mot... En improvisation, en tout cas à un niveau amateur, c'est faut s'amuser. Parce que si tu t'amuses pas, c'est chiant pour tout le monde. Enfin, pour les gens qui te regardent aussi. Un truc qui fait, de mon point de vue, que l'improvisation théâtrale, c'est agréable à regarder. Parce que de fait, c'est pas très écrit. Les dialogues, on sait pas où ils vont. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'effets préparés, etc. Donc le fait que ça marche, c'est l'instant, en fait. C'est cette espèce de jubilation de on partage un truc, on ne sait pas où on va, on s'éclate ensemble, et ce truc-là, on le partage au public, en fait. Et les équipes qui, à mon avis, sont le plus agréables à regarder, c'est quand on voit qu'ils jubilent d'être ensemble, qu'ils s'éclatent et qu'ils se marrent. Plus que des gens qui vont, par exemple, des comédiens professionnels qui vont être excellents en technique, mais où il y aura peut-être moins cette jubilation-là. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la pratique de l'improvisation ? C'est une excellente question. En fait, vous souvenez, l'année dernière, vous avez demandé à vos auditeurs pourquoi ils jouent. J'étais incapable de répondre à cette question, parce que la seule réponse que j'avais, c'est parce que j'en ai besoin. L'improvisation, ça a été un peu ça, en fait. C'est une espèce de soupape pour à la fois des émotions, de la créativité, l'imagination, un partage avec des gens qui n'a juste rien à voir avec les relations sociales à l'extérieur. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi dans le jeu de rôle. Enfin, pour moi, c'est ce que je trouve aussi dans le jeu, en fait. Et ça, voilà. Et j'en ai besoin. À l'époque, quand j'avais pas, je faisais un atelier par semaine. Quand j'avais pas un atelier, la semaine d'après, je me rendais compte que j'étais toute énervée. Il y avait des trucs qui allaient pas. Et en fait, c'est parce que j'avais pas eu ce défoulement émotionnel et créatif là. Après, j'imagine qu'il y a des gens pour qui c'est la littérature ou c'est autre chose, mais voilà, moi c'était ça. Du coup, ça nécessite. Enfin, il y a énormément d'aspects à prendre en compte. Il y a le rapport aux autres, l'échange. Comment est-ce que tu dirais qu'on peut développer une bonne pratique de l'impro ? Dans le sens, est-ce qu'il y a des capacités à mobiliser, des choses à prendre en compte ? Ouais, alors oui, il y a tout ça. C'est compliqué parce qu'il y a autant de bonnes pratiques d'impro qu'il y a de gens qui la jugent. Moi, j'ai été dans une ligue où on aimait la belle impro. Au sens, on ne jouait pas pour gagner le point, on ne jouait pas pour écraser l'autre, on ne jouait pas pour remporter l'adhésion ou le rire du public. On jouait pour faire un moment dont on serait fier, un vrai moment de théâtre, pour jouer quelque chose de juste et sincère. Moi, je dirais que la bonne pratique, c'est ça, mais ça m'est complètement personnel et il y a autant de façons de pratiquer l'impro que notamment de ligue, parce que je pense que quand on transmet quelque chose, on transmet aussi sa façon de voir l'impro et ça homogénéise certaines poches comme ça. Et ça, c'est très intéressant parce que les matchs, ça se joue en invitant des ligues extérieures et il y a des rencontres qui sont... Alors des fois absolument flamboyante, éblouissante parce que on découvre d'autres façons de jouer et ça marche hyper bien. Et des fois qui sont des catastrophes parce que on rencontre d'autres façons de jouer puis ça marche pas bien du tout quoi. Mais voilà, en termes et du coup ça découle les qualités qu'on va favoriser ou pas quoi. Alors je dis des qualités, on peut utiliser le terme de technique ou de compétence ou de capacité. Je sais pas lequel terme est le bon, mais dans l'idée pour moi, ce serait il faut savoir s'adapter, il faut savoir accepter et accueillir ce que l'autre a apporté, il faut savoir écouter et il faut savoir porter les autres. Et c'est quelque chose qui pour moi passe avant avoir une imagination débordante avant avoir des capacités de comédien très développées, un jeu très maîtrisé en fait. Est-ce qu'improviser c'est synonyme de liberté et quelle est la place des règles dans ces cas-là dans l'improvisation théâtrale? Alors non, pour moi c'est pas la liberté. Là j'aimerais en parler en fait j'aimerais en parler vis-à-vis du jeu de rôle directement parce que c'est, enfin, pour moi ça a du sens en mettant l'un en regard de l'autre en fait, parce que tout seul on peut dire que oui on est libre ou on peut dire que oui il y a des règles, mais en fait les règles en improvisation ça a pas le même sens que les règles en jeu de rôle et la liberté en improvisation ça a pas le même sens que la liberté en jeu de rôle, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tellement libre et qu'en fait il y a des règles, ou alors qu'il n'y a pas vraiment de règles et qu'en fait on est libre. Pour moi, la différence, c'est un peu la même différence qu'entre le tact et la politesse. C'est-à-dire que les règles de politesse, elles disent « s'il se passe ça, alors tu fais ça ». Typiquement, si tu croises quelqu'un pour la première fois dans la journée, tu lui dis « bonjour ». Enfin, si tu interagis pour la première fois avec quelqu'un dans la journée, tu lui dis « bonjour ». C'est explicite, on te le dit. Dis donc, tu dis « bonjour ». Si tu le fais pas, c'est une transgression. Ce que en jeu on peut appeler de la triche ou de l'anti-jeu, ce genre de choses. Le tact, c'est compliqué parce que c'est plus implicite, c'est contextuel, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être typiquement quand est-ce qu'on peut passer du tutoiement au vouvoiement. C'est difficile de sentir le moment. Des fois, on a beau l'expliciter, en vrai, on le fait pas. Enfin voilà, c'est compliqué. Et la transgression, ça peut être une figure. En gros, on apprécie ça en fonction du résultat. Si ça passe bien, c'était une bonne idée de le faire. Si ça passe pas, il fallait pas le faire. En impro, il y a quelque chose. Il y a des règles. Il y a des règles de match, mais qui sont je parle d'impro type match. Il y a un règlement. Mais qui est très encadrant. C'est-à-dire que typiquement, on n'a pas le droit de quitter l'espace de jeu. Si on rentre dans l'espace de jeu, on doit jouer quelque chose. On ne peut pas juste rentrer et faire « Ah merde, excusez-moi, je ressors ». Y a des choses comme ça, mais c'est très encadrant en fait. Par contre, ça parle de la forme. C'est-à-dire qu'on va codifier la façon dont on joue. Mais pas le contenu, pas la fiction. Un arbitre, quand il siffle une faute, il ne dira jamais à quelqu'un « ton personnage n'aurait jamais fait ça ». Il dira jamais « vous auriez dû jouer comme ceci ou comme cela ». Par contre, il va dire « là, vous tergiversez énormément, c'est un retard de jeu parce que vous n'avez que 4 minutes et vous êtes toujours dans la cuisine à savoir si vous allez sortir ou pas. Il faut que ça avance ». Mais c'est pas la même chose de dire faut que ça avance et de dire bon vos personnages ils auraient pas fait ça, ils seraient sortis au bout d'un moment. En jeu de rôle c'est le contraire, on pense pas à la forme, par contre on a des règles qui arbitrent la fiction, ce qui se passe dans la fiction, et ça joue énormément, enfin c'est un gap qui n'apparaît pas à première vue et qui est énorme en fait entre les deux pratiques. J'ai quand même envie de dériver un petit peu sur la question, si vous me permettez. Vas-y. Notamment, du coup, ça donne un rapport à la fiction qui n'est pas le même, en fait. En jeu de rôle, la fiction, c'est une interface, c'est un peu comme en jeu vidéo, en fait. On se plug à la fiction avec notre personnage, il fait des choses, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on interagit avec les autres. C'est par ce biais-là. On interagit avec leur personnage et c'est ce qui se passe dans la fiction qu'on regarde. En impro, la fiction, c'est juste le produit de ce qu'on fait à un instant T. C'est-à-dire que c'est notre jeu de joueuse à nous qui nous connecte, en fait, directement. On se pose la question de « qu'est-ce que tu m'as fait là ?» T'es rentré au milieu d'une scène alors qu'on était en train de faire un truc, t'as tout cassé, qu'est-ce que tu m'as fait là ? Et c'est pas « oui, ton personnage, là, il était un peu trop volontaire, oui, non, ton personnage, je m'en fous, enfin là, c'est ce que t'as fait, toi ». Et je parle de ça en termes de problème, mais ça peut être aussi, c'est génial, ce moment où tu décides de rentrer, tu sauves l'impro et c'est super. C'est pas, ce personnage, il était super intéressant de voir comment il se débrouille avec sa belle famille, par exemple. On pense pas dans les mêmes termes. Et là où ça change des choses, c'est en termes de diagnostic. si je prends un exemple de jeu de rôle, si mon barbare assomme chaque interlocuteur avant qu'il ait fini sa phrase, ça va crisper les joueurs et joueuses qui aimeraient discuter, par exemple, qui eux ont des capacités sociales. Ça va crisper peut-être un MJ qui aurait envie de placer ses amorces pour qu'on commence le scénario, mais à chaque fois que il nous met un PNJ pour nous donner la quête, bah on le barbare le tue et ça n'avance pas, ou la somme. Côté rôliste, les solutions vont passer par la fiction, en fait. On va retirer sa capacité de nuisance au barbare en lui opposant des PNJ qui sont plus forts que lui, donc comme ça il pourra pas les tuer. Ou on va lui mettre des conséquences qui sont impossibles à gérer, donc il y a toute la garde qui va être à ses trousses, il y a des gens qui vont les dénoncer, etc., et dont il ne pourra pas se tirer tout seul. Ou alors on va accorder de l'XP plutôt à la résolution de quête que à la mort de quelqu'un, comme ça on sait qu'il va bien falloir qu'il prenne la quête, et donc qu'il laisse parler quelqu'un. Mais tout ça passe par la fiction, en fait. Et on va se poser des questions de crédibilité de la scène, de cohérence du personnage, etc. Alors qu'en improvisation, le diagnostic, il va porter sur la joueuse et pas sur son perso. On va avoir une joueuse qui tue la narration, qui empêche ses camarades de jouer. Là, en l'occurrence, on lui aurait probablement sifflé une faute de peut-être de rudesse, par exemple. Quand on laisse pas l'autre parler, c'est rude. Donc ça se fait pas. Pour lui signaler qu'il y a un problème. Alors si c'est en match devant tout le monde, c'est sifflé, mais si c'est en atelier où on débriefe après, on y réfléchit et tout, on se le dit, quoi. Il y a un formateur qui a un regard sur l'impro et qui dit, bon, là ce que t'as fait c'était rude, il faut éviter de le faire, etc. Et du coup on a une joueuse qui reste responsable de ce qu'elle fait dans la fiction, mais on peut lui parler et lui revenir vers elle sur ce qu'elle fait dans la forme de sa façon de jouer, quoi. Formulé différemment, là je pars un peu dans du théorique, c'est il y a KF qui est un blogueur qui a un blog qui s'appelle Ristretto Revenante, qui parle beaucoup de réflexions assez perchées sur le jeu de rôle notamment, et qui identifie deux formes de jeu. Alors c'est des cultures d'improvisation, c'est des cultures rôlistes, mais il y en a une qui est très liée à l'improvisation théâtrale, c'est le jouer procédural et jouer en conscience de table. Alors je le cite parce que il est très clair. Je dirais qu'on joue en conscience de table si on prend des décisions en vue de produire une certaine expérience à la table. C'est typiquement jouer au service, aider un personnage, lui donner un temps de parole, ou alors jouer son personnage comme un connard pour amener une réaction et une confrontation intéressante. Jouer procédural, j'oppose ça à un mode de jeu que j'ai le sentiment de beaucoup voir en tradi, donc en jeu de rôle classique, qui serait jouer procédural. C'est-à-dire, je joue tel perso, dans telle situation, il pense telle chose, donc je vais faire telle chose. On peut contraindre certaines décisions procédurales pour le bien de la table. Bon, alors normalement, mon perso quitterait le groupe, mais bon, on va dire que non. Mais ça, c'est perçu comme quelque chose qu'on aimerait limiter au maximum. Et je trouve ça très intéressant parce que le jouer procédural, pour moi, c'est une culture mainstream rôliste. Et le jouer en conscience de table, c'est une culture en lien avec l'improvisation théâtrale. Je ne vais pas dire importer d'eux parce que je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, et voilà, mais c'est quelque chose que je retrouve en improvisation théâtrale. Et juste pour terminer le passage, la comparaison entre les deux, l'impro et le jeu de rôle, il y a aussi un truc qui est très important de mon point de vue, c'est la pratique versus le fun. C'est-à-dire qu'en impro, on conçoit quand même ça comme une pratique. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai... Alors, encore une fois, je parle de l'improvisation type match. Mais j'ai pratiqué pendant un an avant de me soumettre au regard d'un public. Donc, je faisais des ateliers toutes les semaines, des stages de temps en temps, de quelques jours, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui se place dans un temps... L'improvisation en elle-même, elle dure 4 minutes. Mais en fait, elle se place dans un temps long qui est celui de mon parcours à moi de joueuse, de ma pratique, de ce que j'ai fait, de ce dont je me suis nourrie. Et puis, il y a des trucs, une fois que je les ai joués, j'ai pas envie de les rejouer, quoi. C'est fait, j'ai envie de passer à autre chose. En jeu de rôle, le fun se place dans un temps ponctuel qui est celui de la partie là, maintenant. Y a beaucoup de joueurs et joueuses qui considèrent qu'ils s'assoient à une table, ils jouent et ça s'arrête là, en fait. Ça n'a pas commencé avant avec tous les jeux auxquels ils ont déjà joué, et ça ne se poursuit pas après avec ce que ça peut ouvrir comme opportunité pour faire évoluer son jeu. La partie est regardée et évaluée à l'aune du fun que ça donne là, maintenant, tout de suite. Donc voilà, je trouve ça intéressant aussi comme façon de concevoir l'activité jeu, en fait. Et on parle de... je parlais tout à l'heure de différence de mots entre liberté et règle. Il y a aussi le fait, le mot jouer, ça veut pas dire la même chose en impro et en jeu de rôle. Enfin, pas forcément la même chose. Il y a une notion de game et une notion de play, de jeu ludique et de jeu théâtral qui se mélangent un peu et qui des fois gagneraient à être différenciés. Il y a le mot improvisation qui dit pas la même chose non plus. Il y a beaucoup de MJ qui disent en jeu de rôle, moi j'improvise énormément, et moi en tant que joueuse d'improvisation théâtrale, je me dis mais non, mais pas du tout. C'est, enfin, t'as un univers, t'as des pré-tirés, des factions dont tu vas sortir des PNJ, et même si tu les crées à la volée, en fait, tu sais déjà quel type d'archétype c'est, à quelle faction ils appartiennent, comment interagissent déjà ces factions dans le background, ce genre de choses. Certes, c'est de l'improvisation parce que tu suis pas un scénario, par exemple, mais par rapport à l'improvisation théâtrale où on commence avec rien, un titre et 20 secondes de réflexion, ça n'a rien à voir, quoi. Et ça, encore une fois, je voudrais citer KF sur le blog Gris Rétro Revenante, qui a un article qui s'appelle L'objet et le bleed. Alors l'article, c'est de la philo, hein, j'ai pas tout compris, mais il y a un truc qui m'intéresse, c'est que ça questionne la place de l'émergence, en fait. L'émergence en jeu de rôle, elle est souvent située dans l'interaction entre des objets fictionnels qu'on a définis à l'avance. On a une feuille de personnage qui définit un personnage et on va le faire interagir avec un univers que le MJ a défini de son côté. Et ce qui est l'improvisation, enfin l'émergence, elle se place dans la rencontre de ces deux trucs-là. L'improvisation en impro théâtrale, c'est une performance au sens de performance artistique, c'est-à-dire c'est une action en mouvement qui ne vaut que à l'instant où elle existe. À partir du moment où elle est finie, on s'en fiche, et avant qu'elle existe, on s'en fiche aussi. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est qu'elle a pas vraiment de sens. Et du coup, comment dire, raconter une histoire, ça permet de faire émerger les objets fictionnels. On définit les personnages au fur et à mesure qu'on joue, en fait. C'est leurs actions qui sont en train de les définir petit à petit, etc. On n'a pas de fiche de perso, on ne sait pas qui on est au moment où ça commence. Peut-être qu'on a une posture, peut-être qu'on a un geste, mais on n'a aucune idée de ce qu'on fait là, de ce que ça va donner, de comment, ce que l'autre va apporter, qui va modifier, etc. Donc la définition, elle se fait en cours de jeu, et l'émergence, elle est là, en fait. Elle n'est pas dans la rencontre entre deux choses déjà très définies qui se percutent. C'est marrant parce que ce que tu dis, ça me fait penser à ce que disait Le Grumpf quand on l'a interviewé il y a 2 jours. Pour vous, ce sera il y a 2 semaines peut-être, chers auditeurs, j'en sais rien. Il différenciait 2 types de personnages joueurs et donc quelque part 2 types de tendances de joueurs à créer leurs personnages. Les personnages à background, qui ont 15 pages de background derrière eux et qui essaient de faire rentrer ça dans l'histoire. Et les personnages, mais là on se rapproche de ce que tu décris comme l'émergence dans le théâtre d'impro, qui eux naissent finalement au moment où on commence à les jouer. Toi, c'est quelque chose que tu as ressenti dans ta pratique du jeu de rôle ? Ouais, carrément. En fait, alors c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, j'ai un peu glissé. On a parlé des différents types d'improvisation théâtrale, mais en jeu de rôle, c'est la même chose. Il y a différents types de pratiques et de jeux. Donc il y a le dispositif classique où il y a un MJ, des joueurs et joueuses, un scénario ou une préparation et un système de résolution, le plus souvent par dés. Et bon, c'est Donjons et Dragons, des dispositifs très emblématiques, mais ça dissimule aussi qu'aujourd'hui il y a des jeux sans maître de jeu où tout le monde est maître de jeu. Je voudrais citer un site qui s'appelle C'est pas du JDR de Mathieu B qui fait une liste justement de tous ces jeux-là. Qui est super fournie, intéressante, diversifiée, enfin qui vaut le coup. Et je vous suggère aussi l'écoute de la table ronde l'année dernière aux Utopiales, vu qu'on est aux Utopiales, qui s'appelait justement Jouer sans MJ, où on revenait sur ce type de jeu-là. Il y a aussi des jeux sans scénario, donc j'imagine que le Grumpf vous en a parlé. Le plus emblématique peut-être, c'est Apocalypse World. Voilà, il y a des jeux sans préparation, notamment un jeu qui en ce moment a un peu la cote, qui s'appelle For the Queen, qui est un jeu de cartes où il y a, mais alors là, il y a juste, mais rien du tout. On tire des cartes qui nous posent des questions, on répond à la question, et en fait, c'est ça le jeu. Et petit à petit, ça définit des intrigues de cours, une histoire, etc. On se retrouve à avoir des personnages, on se retrouve. Mais c'est voilà, il n'y a aucune préparation. Là, il n'y a même pas d'univers, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a des jeux sans dés, je vais citer Aux Marges du Pouvoir de Manuel Bédoué, qui se joue avec des dominos. Il y a Influenza Minima, où c'est de Thomas Munier, qui est un jeu où tout se passe en narratif. C'est-à-dire que dès qu'on veut faire quelque chose de signifiant, il y a un prix à payer dans la fiction. On dit, bah ok, bah dans ce cas-là, tu perds ta fille, ou dans ce cas-là, je sais pas, tu abandonnes ta carrière, bah dans ce cas-là, etc. Et on choisit juste si on paye le prix ou pas, mais c'est complètement narratif, il n'y a pas de dé. Et il y a des jeux sans résolution, c'est-à-dire notamment un jeu qui s'appelle La Clé des Nuages de KF, que j'ai déjà cité, où tout ce que le personnage fait réussit tout le temps. C'est pas la question, en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est juste la façon dont il va le faire, ce que ça va raconter de lui, et ce que la personne en face va comprendre de ça, parce que c'est un jeu très mystérieux et poétique. Mais il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de fais un jet pour voir, ou paye un prix pour voir, ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, c'est super diversifié. Donc oui, pour un long détour pour répondre à ta question, il y a effectivement des façons de jouer très différentes, et il y a des cultures rôlistes qui sont clairement en phase avec le théâtre d'improvisation, aussi bien du côté MJ que du côté PJ, enfin joueuse, quoi. Dans Casus Belli, j'avais fait un gymnase qui s'appelait Mon PJ comme un sandbox, qui était justement sortir du background de la feuille de personnage pour dire voilà, mon personnage il commence comme certains MJ créent des sandbox, en fait, qui sont une façon différente de faire un scénario, c'est-à-dire que de base il pose des lieux, des personnages, des factions, ce qui va se passer, enfin une situation déséquilibrée en bordel, et ce qui va se passer si les personnages n'interviennent pas. Mon personnage comme un sandbox, c'est un peu la même chose. J'ai quelques traits de caractère problématiques, j'ai quelques relations, un objet auquel il tient énormément, mais on ne sait pas pourquoi, et roule. On va voir ce que ça donne. C'est une pratique qui, je pense, se colle bien à une culture rôliste qui s'appelle l'OSR, l'Old School Renaissance, où justement on tire des caracodés, on a de l'équipement, et au début ça veut rien dire, on a ça sur une fiche, c'est pas mis en forme, et c'est petit à petit, au fur et à mesure du jeu, il y a des actions, il y a des arbitrages, il y a des situations et des péripéties qui vont petit à petit dire qui est le personnage, quoi. Il va émerger de la gang de la fiction. Tu parles de l'improvisation, du coup, dans le cadre du théâtre d'improvisation, dans le cadre du jeu de rôle, et est-ce que tu t'y connais aussi un peu en jeu grandeur nature, donc le GN, avec cette fois-ci une pratique du corps dans le jeu, et est-ce que tu t'y connais un peu, est-ce que tu connais un peu la question de l'impro dans le cadre de ce type de jeu ? Alors, non. je suis pas GNiste au sens de j'ai pas une culture de cette pratique là. J'ai joué des GN, j'ai écrit des murder parties pour mon groupe d'improvisation, mais du coup je n'ai pas le, comment dire, je suis pas en phase avec cette culture-là, donc je peux pas parler à la place de cette culture-là, parce qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent énormément en GN, et je pense, enfin voilà, ils sont très avancés en termes de théorie, en termes de trucs, et étant donné qu'ils investissent le corps directement, à mon avis, ils sont très avancés sur ce qu'ils vont chercher en improvisation par rapport au jeu de rôle. Néanmoins, il y a des choses pour lesquelles je peux parler en termes de sensations de pratiquante, qui sont, comment dire, le corps en jeu, c'est super intéressant parce que ça peut être un énorme propulseur comme un horrible blocage. En improvisation, le corps est en jeu, mais il est, comment dire, il est complètement délimité par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il est dans un espace délimité par rapport aux autres. Moi, je suis dans la lumière, le public est dans l'ombre, je le vois pas. le public me regarde, il me connaît pas. Lui, ce qu'il voit, c'est un personnage. Il en a rien à faire de qui je suis. Ça l'intéresse pas. C'est pas son problème. Et il veut pas savoir si ce qu'il voit, c'est une facette de moi ou pas. Il se pose pas la question, quoi. En grandeur nature, je suis... Moi-même, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais embêtée parce que je me sentais extrêmement exposée. Parce que j'avais du mal à avoir un... à incarner un personnage qui soit un vrai gilet pare-balles et qui soit pas juste une espèce de feuille de papier derrière laquelle on me voit très très bien en fait. Donc ça, pour moi, ça posait quelque chose de compliqué. Le dispositif de jouer devant un public quelque part me protégeait, là où le GN ne m'apporte pas cette protection là vis-à-vis du regard de l'autre en fait. Mais ça, c'est complètement personnel. À une table de jeu de rôle, c'est pareil. C'est pire. À une table de jeu de rôle, c'est pire parce qu'on n'est pas censé être personnage complètement, on n'est pas censé être joueur complètement, mais un peu les deux. Et c'est... Mes premières parties de jeu de rôle, je me suis sentie extrêmement exposée. On est dans un salon, je ne sais pas comment placer ma voix, parce que en théâtre, on sait qu'il faut que ça porte. Là, ça prend, si je le fais de la même façon, ça devient absolument ridicule. Enfin, voilà, il y a une transposition qui n'est pas du tout facile, en fait. Et encore un truc qui est le corps en jeu, quand on joue en ligne, où le corps n'est pas soumis au regard de l'autre, en fait. Et alors là, c'est impressionnant les réactions que peut avoir le corps quand personne ne le regarde. On a la voix des autres dans nos oreilles, il n'y a pas de vidéo. Je joue que en vocal. Et le corps réagit beaucoup plus facilement en émotion, par exemple. On laisse beaucoup plus facilement les émotions nous envahir. On peut avoir des réactions plus fortes. On peut avoir des réactions corporelles extrêmement investies. Mais parce que personne ne nous regarde pour... je sais pas comment dire, il y a un autorégulateur qui n'a pas lieu. Et c'est hyper intéressant aussi. J'aimerais revenir un peu sur la pratique des matchs que tu évoquais tout à l'heure. Et ce que tu nommais l'impression de compétition, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé en jeu de rôle ou que t'as pu retrouver sous une forme ou une autre en jeu de rôle, cette pratique de la compétition dans un jeu de ce type? Alors, pour moi, c'est pas une pratique de... Alors, ça dépend encore une fois des pratiques, mais pour moi, il n'y a pas une pratique de la compétition en improvisation, c'est-à-dire qu'on joue ensemble. Par contre, on fait semblant. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la... représentation, quoi. On a des maillots de hockey, on chante des hymnes en début de match, on joue des points, etc. Mais il y a quelque chose, enfin, juste avant d'entrer, en fait, on était tous ensemble à se faire des câlins et on sait qu'on joue ensemble. Ça, c'est quand ça se passe bien. Toutes les ligues ne sont pas sur cette longueur d'onde là. Mais pour moi, en plus, qui suis une joueuse qui ne faisait jamais le point, il faut savoir, parce que y a des joueurs qui ont des jeux plus flamboyants, il y a des joueurs qui ont des jeux plus en retrait. Il y a quelque chose justement de cette improvisation, on l'a jouée ensemble, et sur certaines très belles improvisations, quand c'est l'autre personne qui a le point, il y a des vrais gestes de... comment dire, bon, là on voit pas parce que c'est pas radiophonique du tout, mais je porte la main à ma poitrine et je la tends vers l'autre, qui sont de je te le rends parce qu'on le partage ensemble. Ces choses là elles existent en improvisation et moi c'est ce que j'aime aussi. La compétition, les points, l'arbitrage, etc., c'est quelque chose de... c'est pour faire le show. J'aime ça, faire le show aussi. Et je suis tout à fait capable d'avoir, notamment dans des jeux où je suis certaine qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Typiquement, des jeux où il n'y a pas de... c'est clair qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a même pas d'adversité, il n'y a pas d'obstacle à remporter, etc. Je suis capable d'avoir des gestes de joueuse, un peu joueuse de pétanque, je ne sais pas si vous voyez, de victoire arrogante ou de défaite extrêmement amère, mais au moins on est sûr que c'est du jeu parce que... dans ce jeu-là, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce décalage-là. Et ça, par contre, c'est quelque chose que j'importe en jeu de rôle, le fait de jouer la joueuse, en fait. Quand je joue OSR, Old School Renaissance, qui est un peu une culture rôliste où issus un peu des vétérans, qui est moi une époque que j'ai pas connue. Hein, les premiers Donjons et Dragons, j'ai absolument pas connu. Je suis née au jeu de rôle dans les années 2010. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Et en plus, je suis pas barbu. J'ai pas de t-shirt de métal. Non, mais il y a un truc, il y a un vrai plaisir à jouer la grognarde. À la table, à faire genre, ouais, je connais un peu les ficelles, non, c'est un donjon, et je le joue à la table parce que ça me fait rire, mais parce que je sais aussi qu'il n'y a pas d'ambiguïté, et que on n'est pas en train de se dire que je suis en train d'écraser les autres, quoi. Donc ce truc-là, j'aime bien jouer, mais je joue aussi l'inverse, hein, je suis tout à fait capable de jouer la jeune joueuse, un peu perdue, qui surjoue son incompréhension des règles aussi, tant que ça embête pas les gens et que ça fait rire, c'est ok. Typiquement, quand je suis à une table de grognards, que ça fait beaucoup rire. Donc, ce truc-là, c'est un truc assez particulier qui, je crois, n'est pas répandu en jeu de rôle, de jouer la joueuse, et qu'on importe du match. Parce que, dans le match, cet espace, quand on est hors jeu, mais en scène, je sais pas comment dire, il y a ce carré d'espace de jeu, les deux équipes sont positionnées de chaque côté, il faut rentrer dans le carré pour être en jeu. Mais quand on est hors jeu, on est quand même sous le regard des autres, parce qu'on est dans la lumière, parce que le public nous voit, etc. Et il y a plein de moments entre les improvisations, etc., où on n'est pas en train d'improviser, mais en fait on est quand même sur scène et on est quand même en train de faire du show. Bah, ça compte, quoi. Et on n'est pas non plus nous-mêmes, on est à mi-chemin, on est des joueurs, et joueurs, en fait, c'est un rôle. Et j'aborde le jeu de rôle de la même façon. Quand je suis à une table, je suis pas, moi, Eugénie, la personne de tous les jours qui est la même au travail. J'ai un autre masque, qui est celui de la joueuse Eugénie. Et ces masques-là, on peut en changer, en fait. Il y a plein de joueuses, on a plein de types de joueuses en nous, quoi. Voilà. On parlait tout à l'heure des règles dans le théâtre d'improvisation. Et je repense à la règle très importante du « oui ». C'est-à-dire, du coup, que la clé de l'improvisation théâtrale, c'est de reprendre des éléments qui ont été donnés auparavant et de les enrichir. Et comment mettre cela en place dans le cadre du jeu de rôle ? Merci beaucoup pour la question, parce que c'est super intéressant. C'est un exemple pour moi flagrant du fait que c'est hyper compliqué d'importer des morceaux d'un paradigme dans un autre en prenant que le morceau, parce que ça marche pas. Tout à l'heure, j'ai cité trois grands gaps qui, pour moi, sont hyper importants entre le jeu de rôle et l'improvisation. C'est d'un côté la pratique et le fun, enfin la pratique versus le fun. Il y a le rapport à la fiction qui est différent, et il y a le fait d'appliquer des règles qui est un peu différent de s'approprier des principes, le tact et la politesse. Typiquement, si on récupère le oui et de l'improvisation et qu'on l'incruste juste en prenant que ce petit morceau-là dans le prisme rôliste, ça donne, comment dire, il y a un refus épidermique qui est « Attends, je vais être obligé de dire oui à tout ce qui arrive là, alors que ça va humilier mon perso, alors que moi j'aime pas l'idée, je suis pas convaincue, et je peux pas dire non parce que ce serait tricher, parce que c'est une règle, et une règle ça se respecte. » Parce que la personne qui est responsable du tour que prend la fiction, c'est la personne qui a validé ça. Ça veut dire que moi, je suis obligée de valider des trucs débiles et je vais être responsable de ça. Ça va pas. Et en plus, penser son rapport aux autres passe par la fiction. C'est-à-dire que si quelqu'un me propose un truc débile dans la fiction, je peux pas lui dire en face à face, non, en fait. Enfin, comment dire ? Si on me dit de dire oui et, je suis coincée. Alors que en improvisation, ça fonctionne dans une pratique où c'est un principe général, déjà, c'est pas une règle. Il y a plein de moments où, en fait, il vaut mieux dire non. C'est pas qu'il vaut mieux dire non, c'est qu'en fait, il y a une grosse subtilité sur qu'est-ce qu'on accepte en réalité. C'est-à-dire que notre personnage peut dire non, mais on n'efface pas. Typiquement, j'avais donc un billet qui est, pour ma grande gloire, parle de castration d'éléphant sur mon blog, où justement il y a cet exemple de « viens, on va castrer l'éléphant », et on a tout à fait le droit de dire, mon personnage a tout à fait le droit en improvisation de dire « ah non non, on va pas castrer l'éléphant, et puis arrête de ramener toujours des trucs sur la castration, et arrête de regarder le stagiaire comme ça s'il te plaît ». En fait, la proposition que je refuse, c'est castrer l'éléphant, mais en vrai, je joue avec le fait que la personne a amené l'idée de castrer. J'ai pas dit qu'il y avait pas d'éléphant, j'ai pas dit qu'on n'allait pas parler de ça, j'ai juste dit qu'on n'allait pas le faire. Mais en fait, on va jouer avec ça quand même. Donc voilà, il y a le oui, et ça dépend de qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on refuse. Et surtout, ce qui est super important pour moi, c'est qu'en improvisation, la personne qui est responsable du tour que prend la partie, à partir du moment où on se dit que tout a priori peut être validé, devrait être validé, c'est la personne qui fait la proposition. Et ce que beaucoup de rôlistes ne voient pas quand ils disent « je vais être obligé d'accepter des trucs », c'est qu'il y a le mouvement inverse qui est « je vais être obligé de donner des trucs qui seront acceptables ». Et ce truc-là est rarement pris en compte, en fait. Et pourtant, ça va avec. C'est pas juste dire oui et ou dire oui mais. C'est dire, moi, quand je vais proposer des choses, il faut que les autres aient envie de l'accepter. Il faut, sinon, ça ne marche pas. Donc voilà, quand on transpose un petit morceau d'un paradigme, en fait, il faut vraiment regarder le truc plus large, parce que sinon, ça bloque. Y a des logiques internes qui sont tellement différentes sur des trucs importants qui ne se voient pas, que voilà, si vous me permettez, y a aussi l'inverse pour une improvisatrice, c'est d'apprendre à dire non. Moi, je me suis retrouvée en jeu de rôle, je disais oui à tout ce qui passait, et je me suis rendu compte qu'il y a des fois je dis oui alors que j'ai pas envie, et que les autres ne partent du principe que j'ai le choix en réalité, et si j'ai pas envie il faut le dire. Et ça a été une lente déconstruction aussi, ça, d'apprendre à dire non. De dire voilà, dans l'ensemble, toutes les règles en impro, il y a le oui et mais il y en a d'autres, elles sont, on peut rajouter au bout sauf si on joue ça, ce qui est super important. Typiquement, voilà, on peut pas dire non sauf si on joue le refus. On peut j'ai pas forcément d'autres exemples en tête, mais à chaque fois se dire sauf si on joue ça, ça permet de dire la règle, en fait, c'est plus une grande ligne directrice. Il y a des contextes où il vaut mieux la suivre. Dans le doute, si je sais pas, si j'ai pas de meilleure idée, je la suis. Et au moins, je limite les dégâts. C'est plus ça, en fait, que ça veut dire. C'est pas si je ne la suis pas, je triche. Et on va me le reprocher derrière. Un acteur à prendre en compte dans ce rapport à l'improvisation, à l'échange, qu'on a déjà rapidement évoqué, c'est le maître du jeu. Qui est un peu au cœur de cette notion d'imprévisibilité, puisque finalement, dans une certaine mesure, il y a un vrai échange d'improvisation entre les joueurs. Le MJ lui-même parfois improvise, mais en même temps, souvent il a un objectif de fin, la fin de son scénario, la fin de sa campagne. Comment est-ce que tu perçois l'interactivité entre cette idée d'objectif, parfois très très clair, avec un scénario très très bien conçu, enfin très précis, on va dire, dans ses attentes, et de l'autre, le fait qu'il y a quand même une pratique d'improvisation dans le jeu de rôle. C'est le truc impossible avant le petit déjeuner. Alors, j'ai pas l'article en tête pour le coup, mais ce truc impossible avant le petit déjeuner, c'était un article qui a été un peu le point de départ, ou en tout cas au moment d'une grosse remise en question du jeu de rôle sur lui-même et par lui-même, qui était voilà, il y a un truc impossible, il y a un paradoxe entre un MJ qui doit avoir un scénario préécrit. Linéaire, qui sait où il va, et en même temps on dit aux joueurs ce sera vous les personnages principaux de ce truc là mais ça ne se, enfin comment dire, c'est complètement paradoxal, puisqu'a priori c'est les personnages qui font l'histoire ou participent à l'histoire, mais si l'histoire est préécrite, ils n'ont pas de liberté, mais s'ils ont, enfin on leur promet quand même une certaine liberté. Donc le jeu de rôle a plein de façons différentes de résoudre en fait ce paradoxe-là. Il y a la façon de dire, ok, il y aura un scénario linéaire et vos personnages n'auront pas d'impact dessus. En vrai, vous allez juste vivre à côté, en fait. Vous allez le suivre, vous aurez des personnages qui seront aux premières loges, vous allez vivre une belle histoire aux premières loges. Et vous le vivrez fort parce que vous incarnerez des personnages qui seront impactés par ça. Mais... la focale sera, enfin, comment dire, les événements, vous n'aurez pas de prise dessus. C'est une façon de résoudre le paradoxe. Une autre façon, c'est de dire, on va mettre des trucs en vrac, vous allez en faire des choses, et au final, on va quand même essayer ensemble d'arriver vers un objectif qui devrait se situer un plus tôt par là. On est tous d'accord avant que c'est vers là qu'on va. Et après, voilà, on essaye de faire ça ensemble. Il y a une autre façon d'aborder le truc qui est de dire... on laisse tomber le scénario tout court, il n'y aura pas d'objectif, on voit ce qui émerge, et à un moment on essaye de trouver une fin. Beaucoup de jeux de rôle sans MJ sont un peu comme ça, il n'y a pas d'objectif en fait. Il y a le fait de souffrir, qui est aussi une solution pour le MJ, c'est-à-dire de se dire ok, il y a un objectif, je leur dis pas, j'essaye à chaque fois de forcer sans forcer, de mettre des murs etc. et de les driver, c'est aussi une solution. On fait croire aux joueurs qu'ils vont avoir un impact sur les choses, mais en réalité ça n'est pas dit. J'en ai pas d'autres en tête. Ah si, il y a aussi alors ça je n'ai connu qu'un jeu comme ça, un jeu qui s'appelle Facette, où en fait il y a un scénario, mais on change de personnage à chaque scène pour rester au plus proche du scénario en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui va avoir un personnage qui va suivre tout le scénario, mais à chaque scène on dit ok, ça se passe à tel endroit. Inventer un personnage qui se trouve dans la scène, on joue ça, puis petit à petit on commence à avoir des books de personnages qui reviennent, on se les redistribue, etc. Mais en fait l'important c'est une autre façon de résoudre ça, c'est de dire la linéarité du scénario va être compensée par les pointillés des personnages et pas l'inverse. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais après bon voilà, moi les techniques de MJ en fait je les connais peu, parce que mon point de vue à moi c'est le point de vue des joueurs et joueuses justement. Mais du coup, je voulais te demander en tant que joueuse, on parle du degré d'improvisation du MJ dans le cas d'une partie, entre un scénario qui va être complètement rédigé ou au contraire quelque chose de totalement improvisé entre MJ et joueur. Personnellement, je me sens un peu flouée dans le cas d'un jeu complètement improvisé, et du coup, je voulais savoir quel était ton point de vue et de... Enfin, quand tu joues à du jeu de rôle, à quel point est-ce que toi et le MJ improvisé, quelle relation vous créez en fait autour de ça? Qu'est-ce que tu veux dire par flouer? Si je joue à un jeu de rôle avec un MJ, je vais m'attendre à avoir au moins un objectif final, quelque chose à atteindre, et ça va être le cas de beaucoup de joueurs. Dans le cas où on se lance dans un jeu complètement improvisé, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et ça peut déstabiliser beaucoup de joueurs. Et du coup, je vais savoir, toi, en tant que joueuse, se lancer totalement dans l'improvisation, tous ensemble, quel était ton ressenti vis-à-vis de ça? En fait, c'est deux postures très différentes. Et moi, j'aime beaucoup la posture d'improvisation. Du coup, on ne met pas la valeur sur les mêmes choses. C'est-à-dire que pour moi, ce qui va être important, c'est l'instant T. Ça va être la très belle scène qui déboule par inadvertance, les choses qui émergent, la façon dont les choses sont réutilisées. Il y a des choses qui ne sont possibles que, à mon avis, dans ce genre de choses, il y a un concept ou une notion, je sais pas, qui s'appelle l'ultra cohérence et qui n'a de valeur que parce que justement c'est totalement improvisé. C'est-à-dire que on a commencé avec des bouts de machin. Des symboles ou des informations incomplètes, des rumeurs ou des choses comme ça. On avance dans la partie et il y a un moment où tout se met en place, la dernière pièce du puzzle tombe et on se rend compte que waouh, tout se tient, mais oui, évidemment. Et c'est quelque chose qui, pour moi, marche vraiment très très bien en improvisation, parce que justement, on ne force pas. Ça se passe. Il y a des techniques pour que ça se passe. Donc le fait de réutiliser des choses, il y a des règles de jeu qui aident à ça. Typiquement ici aux Utopiales, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Face aux Titans de Gulix, qui fonctionne avec des motifs. Donc quand dans une scène il y a un motif qui nous plaît, un motif ça peut être une rivière rouge comme le sang par exemple, c'est un motif. Une question, où sont les enfants, c'est un motif. Et la deuxième scène, on a des contraintes qui sont, il faut écrire tant de motifs quand même par scène, et les motifs, on n'a pas le droit de les faire nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est dans ce qu'on dit nous, les autres piochent des choses pour l'écrire. Donc déjà, ça oblige à une certaine écoute en termes d'improvisation théâtrale, on est dedans. Ça, d'une scène à l'autre, on est obligé d'avoir des motifs qui soient des échos des autres. Donc ça oblige à la personne qui joue d'avoir quand même les motifs sous les yeux et d'essayer d'aller en... dans cette direction-là pour que les autres puissent choper des trucs. Et ça rassemble tout dans une espèce ouais, on voit pas ce que je fais avec ma main, mais qui est une espèce de... Je fais un geste de rassembler quelque chose. Dans une espèce de truc qui avance comme ça, ça part dans tous les sens au début, et petit à petit, les choses convergent, en fait. Et l'épilogue... pour chaque personnage, doit prendre certains motifs en compte. Et donc, on a vraiment une histoire qui se tient, qui est belle, qui a du sens, où on se dit, eh, mais oui, forcément, telle chose qu'on a laissée un peu en plan, en fait, c'était ça. Alors, j'ai pas d'exemple là, parce que je suis un peu fatiguée, concret, mais cette sensation-là, pour moi, elle ne marche pas si c'est préparé. Parce que, c'est pas qu'elle ne marche pas, c'est qu'elle est, à mon avis, très difficile, si elle est préparée. Je pense qu'il y a des MJ qui le font et qui sont probablement très très doués pour le faire, mais c'est difficile. Et moi, en tant que joueuse, ça me fait pas le même effet. C'est pas la même chose si je me dis en fait il avait tout prévu et ça tombe hyper bien, que en fait on savait qu'on prévoyait rien mais ça tombe hyper bien. Pour moi, la sensation est très différente et je préfère la deuxième. Et là, on est vraiment sur des préférences hyper personnelles, hein. Donc du coup, je me sens pas flouée par ça. Voilà, c'est plus une question d'horizon d'attente pour le coup. Ça rejoint un peu la question des, enfin l'idée des motifs que tu présentais et aussi quelque chose que tu disais au début en disant mais non mais t'improvises pas, t'as un univers, t'as un contexte autour de toi, et c'est vrai que le jeu de rôle c'est une pratique qui peut être parfois ancrée dans une dimension encyclopédique très forte. Pour toi, le contexte, il a quel impact sur l'improvisation en jeu? En fait, ça dépend. Et encore une fois, je vais faire que des réponses comme ça, parce que y a vraiment différentes cultures de jeu. Il y a des cultures de jeu où c'est important de savoir qu'il y a un contexte dans le livre, parce que comme ça, on peut y croire. On sait que c'est solide, on sait que la réponse que nous fait le MJ, c'est quelque chose qui a été écrit par l'auteur du jeu, que toutes les tables ont à peu près le même contexte, toutes les tables qui jouent à ce jeu ont à peu près le même contexte, et du coup on peut y croire. C'est validé quelque part. Il y a des tables où on préfère inventer à la volée, quelque part mettre une marche en fait sous le pied de quelqu'un à la volée parce qu'il marche dans cette direction, mais voilà, ça a été un peu fait à l'arrache. C'est un autre genre de plaisir, et c'est aussi un truc de on peut y croire, parce c'est pas les mêmes personnes, hein, parce qu'en général on croit souvent que d'une façon, je pense, enfin en tout cas plus facilement d'une façon que d'une autre, mais moi je préfère quand on met un truc sous le pied, parce que j'ai pas la sensation de me heurter à un mur encyclopédique, quelque chose dont je n'ai pas les clés en fait. Moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est la sensation performative. Ce que je dis existe là maintenant, et ce que tu dis existe là maintenant. Si ça doit être validé par une encyclopédie, je dis encyclopédie, mais ça peut être un livre de règles, ça peut être la conception du jeu qu'a le MJ. Mais par une autre personne que moi-même, pour moi ça n'existe pas en fait. J'ai besoin de me dire quand je parle, ça existe là tout de suite. C'est une grosse responsabilité, du coup ça veut dire qu'il faut pas que je dise n'importe quoi, mais voilà, c'est le paradigme de l'improvisation qui veut ça. Mais du coup avoir besoin de faire valider la chose, ça peut être un blocage aussi. Donc voilà, je sais pas si je réponds à ta question, mais parfois un univers préconstruit, c'est un gage de solidité, un gage de vous n'y allez pas à l'aveuglette, vous avez des choses, vous avez du matériel, etc. Et ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement contraignant, de se dire je suis écrasée par toutes ces informations, il faut à chaque fois que mon cerveau traite l'information qui vient des joueurs pour la comparer avec le bouquin et renvoie une information, et mentalement ça peut être épuisant. Et de l'autre côté, il y a le vide total où on est en slip et on se jette et on dit « Hey, on va se rattraper les uns les autres ». Ça peut être complètement flippant aussi. Et là aussi, il y a un processus mental qui est épuisant de toujours se dire « Bon, bah, faut trouver un truc là, maintenant, et il faut que ce truc soit acceptable. » Pas forcément le meilleur truc du monde, mais il faut qu'au moins les gens aient envie de dire oui. Et voilà, c'est deux façons d'aborder le truc, je pense, très très différentes. D'un côté, on a une interface qui est le MJ dans la fiction, qui doit gérer toutes les propositions des joueurs et joueuses et s'arranger pour faire que ça matche ensemble. Et de l'autre, il n'y a pas d'interface. Comment dire ? L'interface, c'est nous, les joueurs et joueuses, autour de la table, ensemble. Et c'est à nous de faire le boulot ensemble, ce qui pose d'autres problèmes. Hein. Dans le cas de la pratique du théâtre d'improvisation, on peut trouver en début de séance des exercices qui permettent d'être plus à l'aise, de créer une cohésion de groupe aussi. Je pense entre autres au fait de se mettre en cercle et de lancer une fausse boule lumineuse en criant très très fort, qui déjà va pouvoir enlever certaines barrières de stress, voire de honte. Est-ce qu'on peut mettre des choses en place dans le cadre du jeu de rôle, ou est-ce que tu aurais des conseils pour les joueurs pour pouvoir leur permettre d'être plus à l'aise, hein, et pour enlever ces fameuses barrières, voire pour créer une cohésion de groupe, hein. Oui, ça existe en jeu de rôle. Je vous renvoie encore au site C'est pas du JDR de Mathieu B. Il a une collection d'échauffement, en fait. De plein de petits exercices qu'il a récolté ici et là. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être totalement importées par une table en disant ok, là on va faire tel type de partie, qu'est-ce qu'on fait pour briser la glace, puisque voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi qu'est-ce qu'on fait pour bosser un truc dont on va avoir besoin dans cette partie ensuite. Par exemple, comment dire, intégrer des règles de jeu qui sont hyper complexes si on veut pas passer les deux premières sessions à tâtonner sur les règles, à pas y arriver, etc., avant de commencer à pouvoir vraiment profiter du jeu. On peut se dire ok, on se prend une demi-heure, on va faire que les règles, on laisse tomber les descriptions, la narration, etc. On va juste voir comment ça se passe un combat, pour que tout le monde puisse voir un peu comment ça tourne, quoi. Moi, j'avais fait une campagne d'un jeu qui s'appelle Burning Wheel, qui est extrêmement lourd en termes de règles, et notamment de combat, que ce soit verbal ou physique. Et on avait fait une session entière d'atelier, quoi. On avait fait un tournoi pour de faux, on essayait de voir comment ça marchait, etc. Et c'était le bon moment pour le faire, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte, d'une part, de la fragilité totale de nos personnages, et c'était important qu'on le sache, parce que nous, on était partis sur un truc hyper héroïque, et on a pu revisser les boulons avant le moment de la campagne, donc hyper important, l'atelier. Et ça a permis aussi de remettre des points là où ça allait pas, de modifier les trucs, parce que si ça arrive à la cinquième session, on va me dire, bah non, tu vas pas changer ton personnage maintenant, voilà. On a commencé quoi. Ça peut être aussi intégrer un univers qui est complexe en échauffement, se faire je pense à l'univers d'Eclipse Phase, qui me fascine, mais qui est extrêmement compliqué, quoi. C'est le meilleur de la science-fiction la plus moderne, mais du coup ça veut dire quoi, être dans un quotidien où il n'y a pas de vie privée, où la monnaie en fait c'est la réputation, où on peut changer de corps de façon relativement courante, ça change quoi dans ma façon de me verser un café le matin, enfin comment je joue un personnage là-dedans et pour qui c'est totalement quotidien. Ben, on peut se dire ok, on va se prendre une demi-heure pour jouer des petites scènes de quotidien, et on se file on joue notre scène, et à la fin on se fait un petit retour entre joueurs en disant ouais, mais toi tu l'aurais fait comment, ah ouais, moi ton café je l'aurais pas vu comme ça, j'aurais vu un truc bien synthétique, enfin voilà, on se nourrit aussi les uns les autres de ça avec des petits retours, et après quand on commence, ben, on a un peu plus nos personnages dans l'œil, on voit un peu plus. Il y a des choses qui se font, donc ça c'est des propositions, je vais dire, de table, de se dire bah, ok, on va jouer à ça, du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se mettre dedans et qui nous convient bien à nous autour de la table. Mais il y a des jeux qui proposent ça, en fait, qui intègrent ça. Il y a It Rasby, qui est un jeu de rôle surréaliste qui est super, qui propose des ateliers pour justement se lancer un peu dans l'écriture automatique ou ce genre de choses. Il y a un atelier que j'aime beaucoup qui est... il y a une personne qui raconte la journée ordinaire d'un personnage et les autres autour doivent lui glisser des mots les plus farfelus possibles pour qu'elle l'intègre à sa narration. Et donc, pour la personne qui parle, c'est essayer d'avoir un flow verbal à peu près continu tout en intégrant à la volée des trucs complètement what the fuck qui déboulent. Et pour les autres, c'est être hyper au taquet pour mettre la personne un peu en difficulté en lui glissant des peaux de banane sous les pieds. Et en fait, c'est difficile parce que notre cerveau fonctionne par analogie. C'est-à-dire que si j'essaye de trouver un truc qui change complètement alors qu'on est en train de raconter quelque chose à propos du soleil, eh ben... mon cerveau va avoir tendance à penser lune ou à penser nuit ou à penser pluie, mais il reste quand même dans la gamme. Donc ça demande aussi un gros exercice pour casser ça, quoi, pour essayer d'apporter des mots qui n'ont vraiment rien à voir et qui ne soient pas dans la continuité. Du coup, ça travaille l'écoute, ça travaille l'adaptation, on a tout ça et ça délie aussi l'imagination. C'est se dire, on a commencé, on est... Après, on est un peu chaud, quoi. Comme physiquement, quand on a fait monter un peu le cardio, après, on est plus disponible aussi pour les mouvements, quoi. Il y a le jeu Glorieuse de Julien Poire, qui est un jeu où on joue des catcheuses. Et l'échauffement a été intégré dans une phase de jeu qui est la présentation des personnages, où on décrit leur casting quand elles viennent. Donc, on décrit la façon dont le personnage... va dans les vestiaires, donc qui il est au quotidien en fait, et comment il sort des vestiaires en tenue de catch et les quelques premiers rounds pour se chauffer un peu, quoi. Et voilà, ça c'est des trucs qui sont intégrés dans les jeux et de façon plus ou moins comment dire, fluide et emboîtée dans le déroulé du jeu, quoi. Il y a aussi, je me permets de glisser du coup dans les exercices qu'on peut faire, il y a aussi ce que moi je propose en club ou en convention qui sont des ateliers entiers où on joue pas derrière, quoi. Enfin, on joue pas une partie, en réalité on vient de jouer pendant 3 heures, donc, mais où c'est une approche plus centrée autour d'une technique de jeu particulière. Et on fait plein d'exercices, je fais des choses, en général je fais 12 personnes, donc ça permet d'avoir plein de partenaires différents pour voir aussi comment ils jouent les autres. J'ai eu des personnes qui sont venues à des ateliers parce qu'ils avaient la trouille de s'asseoir à une table pendant 4 heures avec des gens qu'ils connaissent pas. Donc en atelier, ils sont venus et ils se sont dit « Hey, mais en fait c'est super, du coup j'ai pu me lâcher alors qu'avec mes amis je le fais pas parce que bah, ils me connaissent dans la vie et puis du coup ça, c'est pas pareil. Là et j'ai rencontré plein de gens et à chaque fois c'est pour des trucs de 4 minutes, quoi. Donc ça permet aussi, la prise de risque elle est minime, si ça, le courant passe pas, c'est pas très grave, on change beaucoup, quoi. Ça permet aussi d'explorer ce qu'on peut faire et de tenter des trucs qu'on n'oserait pas forcément tenter en partie. Moi, pour l'instant j'ai trois techniques que je... technique c'est un grand mot, mais trois ateliers que je propose. Il y en a un qui est centré autour de présenter son personnage, ce qui permet à plein de gens d'essayer des personnages qu'ils n'osent pas jouer en fait en jeu habituellement, parce que c'est pas leur kiff, ils ont les quelques archétypes qui leur conviennent et ils n'oseraient pas se lancer à jouer un truc soit trop loin d'eux-mêmes, soit un peu casse-gueule. Là ça leur permet d'essayer plein de trucs et d'essayer aussi des façons de le faire différentes. On fait à la manière d'un générique de film. Enfin voilà, on essaye des formes différentes. Il y a un atelier sur jouer l'impact, qui est super important pour moi et qui est vraiment un import aussi de l'improvisation, qui est en gros, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, par la réaction de mon personnage, je donne du corps à ça. Voilà, si quelqu'un dit « il pleut », je peux dire « moi je frissonne et je resserre mon manteau ». Et du coup, en fait, on se dit « hey, en fait, il pleut ». Si le MJ dit « il pleut » et puis il y a un silence à la table, on entend juste qu'ils nous disent où sont les monstres, on joue pas de la même façon le décor, quoi. C'est complètement OK aussi, hein, y a pas de... mais c'est juste que ça montre que la focale n'est pas sur le même truc. Et l'atelier que je présentais cette année, c'était jouer haut, jouer bas. C'était pour jouer les différences de statut entre personnages. Quand on a un personnage qui est très dominant et un personnage qui est très soumis, voilà, comment on fait pour que ça se passe bien et que les joueurs n'en souffrent pas. On arrive à la fin de cette interview. T'as quelque chose à rajouter ? Ouais, j'avais un truc un peu fat à poser, mais du coup je vais le dire vite et à la limite vous couperez ce que vous avez envie de couper. J'avais envie de regarder ce qui se passe quand on importe quelque chose, enfin les différentes façons qu'on peut avoir d'importer quelque chose d'un paradigme à un autre, parce que moi c'est ça que je fais en fait avec mon blog depuis le début, c'est d'aller chercher dans l'improvisation ce qu'on peut ramener en jeu de rôle. Et un exemple qui me paraît assez emblématique de crispation, c'est les fautes de jeu. En match d'impro, il y a des fautes je l'ai dit au début, qui ont un rapport à la forme. Ça va être du retard de jeu quand ça s'enlise, ça va être de la rudesse quand on laisse pas l'autre parler ou qu'on l'écrase trop ou qu'on lui fait des propositions qui sont des cul-de-sac. Ça va être, ce genre de choses. Et un manque d'écoute quand quelqu'un a dit quelque chose et en fait sa proposition n'a absolument pas existé du tout dans la fiction. Les fautes de jeu, ça crispe beaucoup les rôlistes, parce que la réaction c'est qui va me juger, on va me dire que je suis nulle. Et enfin voilà, il y a un truc qui est extrêmement crispant, parce que c'est du fun, c'est pas une pratique. En 2006, il y a Cédric Ferrand sur le blog Hugin and Mounin qui a sorti plusieurs billets qui s'appelaient Impro et JDR, où il lui aussi travaillait ça, et il importe la faute dans un paradigme rôliste, et donc ça donne une sanction par un MJ arbitre, et la sanction passe par l'XP. Alors je vais pas vous lire tout l'extrait, mais j'ai sorti deux phrases qui sont assez intéressantes. C'est le tout début de l'article, qui est: le MJ n'a pas de règles pour condamner l'anti-jeu d'un rôliste, d'alors s'il veut faire payer le joueur, c'est généralement par des contraintes arbitraires, en le blessant, en le privant d'un objet magique. Alors déjà, je trouve ça très intéressant l'ellipse d'un mot qui est le personnage, parce qu'en fait c'est pas le joueur on punit le joueur, mais c'est pas lui qu'on blesse, c'est le personnage. Et encore une fois, il n'y a que le prisme de la fiction. Enfin, je trouve ça très révélateur du prisme rôliste, quoi. Ça passe forcément par la fiction. Il décrit les fautes qui existent, le fait que c'est intéressant à prendre en compte en termes de roleplay, etc. Et il propose une implication de ça en jeu qui deviendrait: les fautes se payent en fin de partie par une diminution substantielle des XP, le seul truc que les joueurs comprennent et qui les touche réellement pour les inciter à changer de comportement. Donc là, on est sur un arbitrage extérieur qui passe par l'XP, qui est un peu il prend dans la faute la représentation de compétition dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, en match d'impro, l'arbitre siffle une faute. Quand il y a trois fautes, il y a une bascule de points pour l'équipe d'en face. Donc, tout ce que moi j'appelle du vernis de compétition, là, c'est pris au pied de la lettre pour être importé dans le paradigme rôliste. Je trouve ça, je juge absolument pas, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça traduit des interprétations très... très différente de ce que moi j'aurais pu avoir. Et un peu plus loin, il y a une phrase qui dit: ça permet de fixer un cadre de jeu avec des règles explicites et claires sur comment on juge un roleplay. Donc encore une fois, on revient à une règle claire. Un peu plus tard, en 2012, sur le blog Sentil, d'une personne que je ne connais pas, il y a une super série qui s'appelle Utiliser les techniques d'impro en jeu de rôle. Il y a un des billets qui parle des fautes de jeu. Et là, il se pose la question, il ou elle d'ailleurs, se pose la question de pourquoi la faute. Et ça, je trouve ça super important aussi, c'est que ça renvoie à des interdits et se penche sur... c'est lié à des peurs en jeu, en fait, et ces peurs-là, elles sont communes aux deux pratiques. Ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait d'avoir peur d'être ridicule, le fait d'avoir peur de passer pour fou, ce genre de choses, et il développe en quoi les fautes sont une façon de contrer des mécanismes de défense qu'on a vis-à-vis de ces peurs. Dire oui et, en réalité, c'est plus facile de dire non, parce que comme ça, on est en contrôle. On bouge pas, on sait où on est et on n'en bouge pas, et c'est lié à une peur en réalité. Donc c'est là où lui explique, dire oui et c'est un truc de quand on n'a pas de meilleure idée, il vaut mieux dire ça, et ça nous permet de jouer quand même. On sort de la faute comme une... Enfin, la faute devient l'explication d'une peur et un mécanisme à intégrer pour contrer cette peur-là. En 2018, il y a le blog Une pincée de Fel de Felondra qui joue aussi avec ça, à importer des choses d'improvisation en, en jeu de rôle et qui a deux billets qui s'appellent la faute d'improvisation et sa transposition en JDR et un deuxième billet qui sont les signes gestuels petits modes d'emploi. Et lui, ce qui l'intéresse dans la faute, c'est le fait que on puisse c'est le fait de siffler la faute en fait, c'est-à-dire que on peut se dire pendant la partie, pendant qu'on joue, se faire un signe pour dire là ça déconne. Et lui se fout de savoir quelle faute en fait. Il se dit chaque table avant la partie se met d'accord sur quelques gestes qu'ils ont envie de faire. Typiquement le tu me coupes la parole, c'est un geste qui peut être intéressant à certaines tables pour pouvoir signaler aux autres sans rompre le jeu, la partie ou quoi, mais de temps en temps de faire genre ça fait trois fois que j'essaye de parler et personne voilà ça. Il y a des gestes qui sont comme ça à intégrer en jeu et qui permettent de dire, enfin voilà, de dire là il y a des trucs qui vont pas. Et typiquement, lui pense, je vais citer, à un outil qui soit utilisable par tout le monde à la table de la même manière. Donc là, on sort du MJ arbitre. C'est tout le monde à la table peut l'utiliser. Un outil qui soit non mécanisé pour pas que les joueurs et les joueuses l'utilisent dans un but d'optimisation. On sort de l'XP. La question, c'est vraiment que ça se passe bien à la table et qu'on soit content de faire une belle scène ensemble. Et c'est pas je vais punir pour l'anti-jeu. Un outil qui soit simple à apprendre pour qu'on puisse l'utiliser rapidement et facilement. Et là encore, on sort de un cadre jeu avec des règles explicites et claires qu'on suit, quoi. Il y a quelque chose de juste organique. Et ces signes gestuels-là qu'il a mis en place, alors il en cite hein, quelques-uns, il y a notamment un que j'aime beaucoup qui est « Est-ce que je peux rentrer dans la scène ?» Et typiquement, quand il y a une scène de roleplay avec deux personnes qui jouent ensemble, on est la troisième personne, on aurait une super idée ou un truc. Et en fait, juste d'avoir un signe pour dire « Est-ce que je peux rentrer dans la scène sans les couper ?» c'est un geste que j'aime beaucoup et ça a été repris dans le jeu d'année de Simon et Manon Lee, où voilà, il y a des choses qui passent comme ça de blog en règles de jeu et qui sont devenues des règles de jeu. Et il y a aussi un autre aspect que je voulais tout juste évoquer, mais vraiment très vite. Ça fera un très gros épisode, c'est pas grave. Qui sont deux jeux qui reprennent vraiment les principes dans l'impro théâtral et dans lesquels j'ai retrouvé la sensation de l'impro théâtral et pas une sensation rôliste comme j'ai pu en avoir l'habitude. C'est Dragonfly Motel de Thomas Munier où on joue un peu des tranches de vie à la Lynch. Oui, Thomas Munier, bah oui. Il y a notamment des bascules de enjeu hors jeu. Et pour basculer de l'un à l'autre, il y a un plateau de jeu sur lequel on se situe. Il y a une zone en jeu, il y a une zone demande d'entrée en jeu et une zone hors jeu. Et à la fois, il y a notre pion qu'on peut déplacer sur le plateau, donc un peu comme des joueurs qui rentrent sur un espace de jeu en improvisation. Et il y a aussi des attitudes qu'on peut avoir à la table de je me penche en avant, je suis impliqué, ou je me mets en arrière pour signifier que je sors en fait. Il y a pas de méta en vocal, c'est-à-dire que tout le méta passe par des gestes et des attitudes. Si les règles ne sont pas respectées, tant pis. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très lié à l'improvisation. On essaye de faire le max pour respecter les règles, si ça ne l'est pas, tant pis. Il n'y a pas de résolution, ça j'en ai parlé tout à l'heure au tout début. Et pour prendre la parole ou donner la parole, on se donne des petits papiers sur lesquels on écrit des choses qui vont devenir des contraintes de jeu, des motifs à réintégrer dans le jeu. Et là aussi, la contrainte de thème, le truc à intégrer qui arrive de l'extérieur, etc., c'est très lié à des contraintes d'improvisation qui peuvent exister. Il y a un autre jeu que j'ai cité tout à l'heure qui est Itrasby, donc il y a les ateliers pour se familiariser avec le surréalisme qui sont intégrés dans le jeu. Et il y a des cartes, alors en anglais c'était Chance et en français ils l'ont traduit par imprévu, qui sont des contraintes de forme. C'est-à-dire que n'importe quel joueur à un moment dans la partie peut prendre une carte imprévue et ça va être des contraintes du genre vous finissez la scène en grommelot. Enfin vos personnages parlent en grommelot, vous savez qu'ils se comprennent. Mais on ne sait pas ce qu'ils disent en fait. Ça peut être faire une ellipse forcée. Ok, on va jouer 3 heures plus tard et on ne reviendra jamais sur ce qui s'est passé pendant ces 3 heures. Ça peut être inverser les relations entre personnages pendant toute la durée de la scène. Donc voilà, si je t'aimais, je te déteste. Si t'étais mon supérieur, t'es mon inférieur. Enfin voilà, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est possible parce qu'on joue dans un cadre surréaliste. Mais encore une fois, ces contraintes de forme-là, elles sont vraiment très liées à l'improvisation théâtrale. C'est des personnages qui sont caractérisés sur leur fiche de perso par des aimants à intrigue. Donc on n'est pas en train de définir vraiment qui est mon personnage au fond de lui ou qu'est-ce qu'il peut faire, mais quelles sont les histoires qui vont lui coller dessus, voilà. Je suis pas sûr qu'on coupe tout ça parce que ça me semble super intéressant. On arrive à la question de fin, c'est la même pour tout le monde a priori. C'est la question de la leçon de vie cette année. Quelle leçon de vie as-tu apprise par le jeu ? J'ai une réponse qui va être beaucoup trop longue. J'ai eu une éducation qui fait que c'est pas vraiment ok d'éprouver des émotions, ou en tout cas de les exprimer. Ça produit quelque chose, j'ai appris ça en formation, ça produit quelque chose qui fait qu'il y a un certain seuil en dessous duquel... d'intensité d'émotion en dessous duquel en fait j'ai l'impression de ne pas éprouver d'émotion, je ne ressens rien, j'ai l'impression de ne rien ressentir alors qu'en réalité c'est pas le cas. Le jeu et notamment le jeu de rôle et l'improvisation, ça m'a permis d'abaisser ce seuil là en fait, de me connecter un tout petit peu plus facilement avec les émotions qui me traversent, d'arriver à un peu mieux les exprimer. Et la leçon que j'en retire, c'est que les émotions, c'est OK. Et c'est peut-être une évidence pour beaucoup de gens, mais en fait, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Et c'est un long travail d'accepter d'être traversé par ça, d'accepter de les offrir aux autres, de se laisser bouleverser, de se laisser atteindre. Avec, des fois, ça rippe. Et des fois, ça fait mal, et c'est OK. Voilà. Et ça, ce que ça produit aussi pour moi, c'est des relations avec d'autres joueurs et joueuses qui sont extrêmement fortes et qui n'ont rien à voir avec les relations sociales ailleurs, dans toute cette sphère de la société où c'est pas OK d'éprouver des émotions. Voilà. Et merci beaucoup Eugénie pour avoir un peu échangé avec nous, avoir beaucoup échangé avec nous. C'était vraiment super intéressant. On se dit à bientôt, a priori, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Des bisous. Je vous rappelle que nous avons une page Tipeee, la page Tipeee du Studio Dilettante. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ça nous permet de financer notre matériel, notre compte SoundCloud. Ce genre de choses nécessaires pour continuer à vous faire de belles émissions. On vous dit à très bientôt et d'ici là, continuez à jouer, continuez à vous amuser et n'oubliez pas, les émotions c'est OK.